Lèche-pain. Poème du pain et vache, lu par Cassin Gaben. Lèche-pain par Jack H. Kay. Moi, c'est la vache. Quand il fait nuit, ou quand à nous la lune reluit, et tous les hommes rêvent de demain, je suis éveillé, je lèche les pains. Lèche-pain par Canard Roublard. Mon nom est vache, et quand la nuit ou quand la lune se lève et brille, et tous les hommes ont dit dors bien, je veille très tard, je lèche le pain. Lèche-pain par Sigaloenta. Je m'appelle vache, pendant la nuit, ou quand la lune en ciel rit, et dans leur lit dort tous les gens, je reste debout, je lèche le pain. Lèche-pain par Avram. Je m'appelle vache. Quand il fait noir, ou quand la lune est belle à voir, le monde repose pour l'endemain. Je ne dors pas, je lèche le pain. Lèche-pain par Not Your Kate Bishop. Mon nom est vache, et quand c'est nuit, ou quand la lune est jolie et brille, et tous les hommes sont allés au lit, moi je suis rusée, je lèche la brie. Lèche-pain par Nataluna. Je suis la vache. Et quand on dort, la nuit, en tout silence, je sors. Je cherche ce qui attire ma faim. Dans la cuisine, je lèche le pain. Bonus, lèche-pain en français médiéval par Firmine. Mon nom est Vache, et dans la nuit, quand la lune brillante luist, et tous les hommes sommeillent bien, je veille tard, je lèche le pain.